Je suis Superman sans la cape, validé dans le stress par le capot. Si ta meuf est fraîche, on la tacle. T'avais qu'à lui donner la bague. Maman ne sait pas que je claque. Des milliers d'euros sur la table. Maman ne sait pas que je claque. Parce que j'ai déjà rempli le sac. Elle veut que je m'occupe de son gab. La petite veut jouer en attaque. Gagne aller-retour dans le calme. Avec moi pas de remontade. Esprit Qatari, on te payera. Si tu fais le mal, on te Neymar. Entre elle et moi, ça part d'un regard. Les yeux dans les yeux, ça sera plus tard. Et si je sors, ne me parlez pas d'être raisonnable. Je suis pas venu jusqu'ici pour faire le mec aimable. Mes gars t'ont vu bouger, tu sais que ça nous fait mal. Si l'un nous tente de t'approcher, faut même pas dire c'est pas normal. T'es pas normal, pas normal, c'est pas normal. T'es pas normal, pas normal, c'est pas normal. T'es pas normal, pas normal, c'est pas normal. T'es pas normal, pas normal. On sait se contrôler notre mépropre. C'est juste que tu n'es pas normal, toi. On pense tous des choses qu'on ne dit pas. Ça ferait pas plaisir à ton papa. On mettra les bouteilles en place. Même si je ne bois que le pago. Vente conmigo. M'en veux pas d'avoir de l'audace. Elle a fait exprès de se tourner pour laisser parler ses hanches. Et même si j'ai déjà trouvé, sa position me dérange. Les négros vénères vont te courser. C'est toi qui as cherché, je peux le prouver. Fimbou, tu vas goûter. T'avais qu'à pas nous éprouver. Et si je sors, ne me parlez pas d'être raisonnable. J'suis pas venu jusqu'ici pour faire le mec aimable. Mes gars t'ont vu bouger, tu sais que ça nous fait mal. Si l'un nous tente de t'approcher, faut même pas dire c'est pas normal. T'es pas normal, pas normal, c'est pas normal. T'es pas normal, pas normal, c'est pas normal. T'es pas normal, pas normal, c'est pas normal. T'es pas normal, pas normal. Mais avant du deuil, il deuil pour toi. C'est normal si tu vas, vas comme ça. On apprécie les belles choses, mais à petite dose. Ne détonne pas qu'on explose. Tu en es la cause. Tu les as rendu deuil, deuil, il deuil pour toi. C'est normal si tu vas comme ça. On apprécie les belles choses, mais à petite dose. Ne détonne pas qu'on explose. Tu en es la cause. C'est pas normal, mal, c'est pas normal. Pas normal, mal, c'est pas normal. Pas normal, mal, c'est pas normal. Pas normal, mal, c'est pas normal. Pas normal. Yeah. Oh, pas non, c'est pas normal.